Peux-je Voilà. une petite dernière? Une autre question. Une. Non, pas seulement dernière, on n'a pas encore fini. On a toute la soirée. C'est qu'elle ne comprend pas. On a appris ça à la Merci. fin qu'elle veut bien lui expliquer. Merci. Tu es un ancien, hein? Dame, si tu es un ancien. Moi aussi, je suis ancienne. Oui. Non, pas ancien en tant que la Bible. Ancienne aussi. Non, dans la Bible, il n'y a pas Il n'y a pas d'ancien. d'ancienne dans la Non, Bible. non. Mais en lui, il est ancien comment? Il est ancien, Il est ancien parce c'est que je suis biblique pour un un homme homme. Il n'y déjà. a pas de femme ancienne dans la Bible. Tu ne savais Il n'y a pas. pas de femme ancienne. C'est les églises là qui nous ont C'est dans les églises pentecôtistes qu'on dit que si tu es apôtre, ta femme est apôtresse ou docteur. Si tu es prophète, ta femme est prophétesse. Quand les gens me voient souvent, ils voient ma femme, ils disent, oh, la prophétesse grâce, elle dit, tu parles. Que prophétesse grâce. J'ai vu hier pendant les conférences Oui. l'esprit qui comme l'esprit du Non, monsieur c'est le voisin qui est venu avec sa voiture. Mercedes. L'esprit du monsieur Non, pas Mercedes, c'est une Peugeot. Qui disait non et non et non et qui résistait. Oui. Bon, et quand moi-même j'étais là-bas à La plénitude. non, chez lui, à comment on Adouala. appelle? À Douala, oui, quand moi j'étais là-bas, tu m'avais dit que il ne faut plus qu'on utilise le feu et Oui. tout ça. Oui. Moi, hier, là, je voyais, j'ai dit que, mais S'il utilisait s'il le feu, suffit d'utiliser le qu'on feu. lance le feu là maintenant, Ok, je le comprends très petit bien la plan. question. Donc, tu avais dans la délivrance comment l'esprit résistait en disant Oui, non, je dis que non, si non. on dit que le feu dans tout ton corps là Ça doit maintenant, le brûler. oui, ça va. Ça va aller vite. Oui, ça va faire que l'esprit là. Sors vite. Oui, Oui, oui. parce que moi, j'ai Laissons la souvent. poser la question, c'est intéressant. Oui, parce que moi, j'ai souvent des problèmes, lui-même. Quand Il je. témoigne. Oui, Quand tu non, dis il se moque même de moi. feu, ça marche. Oui. Non, parce que, bon, comme il y a souvent sur la petite porte, s'il y a les petits souris qui viennent souvent entrer là, moi, j'ai envie de lancer le feu sur la souris pour lui dire C'est la première fois que tu passes ici. que ici, Oui. c'est la maison du Saint-Esprit, le feu va te brûler, Oui. n'entre plus. Oui. Même si tu trouves une petite, n'essaye plus d'entrer ici. Donc, Oui. c'est-à-dire, moi, je trouve que Donc, c'est ma une soeur. arme de combat. Ok, non, on va aller C'est pour doucement. ça que je veux C'est très ça. intéressant. Tu disais que c'est une petite question. Peut-être c'est une très grande et bonne question. Donc, tu prends le feu de Dieu pour tuer une souris. Oui, pour Non, qu'elle ça, attends, approche plus c'est-à-dire ici. qu'une souris. Une souris. Tu tues le feu de Dieu pour pouvoir brûler une petite souris. C'est le feu, non, ça va, ça brûle tous les ennemis, tout ce qui est mauvais. Maintenant, comment tu, quand tu vas finir, tu vas prier pour les ennemis. Après, tu le. Mais Jésus t'a commandé de prier pour les ennemis, non? Bon, quand tu finis de les brûler, pendant qu'ils sont essoufflés, tu dis, oh Seigneur, prie pour que tu les guérisses. Et ma soeur. Bon, tu vas prier pour eux, tu n'as pas prié pour eux. Tu vas prier pour eux, donc tu désobéis à ce que Jésus a dit. Non. Attends, arrangeons-nous. Tu pries pour tes ennemis ou tu ne pries pas pour eux. Pour le moment, moi, je ne peux pas pour mes ennemis. Tu fais comment? Tu les brûles Non, plutôt. je peux pardonner. Quelqu'un m'a fait quelque chose de mauvais. Oui. Je dis à Dieu que Seigneur, j'ai enlevé ça de mon cœur, j'ai C'est une pardonné très à la bonne question. Attends, j'arrive là. C'est ça, on a touché vraiment la plus bonne langue. J'ai Donc, pardonné. Parce qu'on avait ce problème aussi. oui. Mais est-ce que tu peux prier pour eux? Dans la dimension. C'est comme. Il faut dire ce que tu penses. Hein. Il ne faut pas cacher ça parce que ça Alors, va c'est parce que c'est avec ça qu'on essaie de voir ce que la parole, à la lumière de la parole, pour savoir ce qu'il en est. Jésus a dit quoi? Qu'on prie contre les ennemis, bien pour. Bon, tu as entendu ça, tu as lu ça dans la Bible. Quand tu as lu ça, qu'est-ce que ça t'a fait? Non, j'ai ce que non, ce que Dieu demande là. Il ne peut pas demander quelque chose pour rien. Il a dit que quand on prie pour nos ennemis, on est en train de mettre le charbon ardent sur leur tête. Ah, c'est très bien comme tu connais les Écritures. Donc, comment mettre, d'après la Bible, comment mettre les charbons de feu sur la tête des ennemis? Prie Comme, pour eux. pour prier pour eux. Donc, en priant pour quelqu'un, je suis en train de mettre le charbon de feu sur lui au cas où il m'attaque, n'est-ce pas? Mais est-ce que la Bible a dit que j'envoie le feu sur eux? Dans ce livre de Romains, quand tu sais, la Romains que tu viens de citer, Romains chapitre 13, là, et au chapitre 12, il dit que quoi? Il dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Tu vois? Quand tu fais ces choses-là, c'est le charbon que tu mets sur ce feu, sur sa tête. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pendant que tu te fais du mal, tu lui fais du bien. S'il vient pour te faire du mal, la contestation, c'est du plus de haut. Parce qu'on dit sur sa tête, ça veut dire c'est pas que tu mets sur ses cheveux. Ça veut dire qu'au-dessus de lui, ça oriente la colère de Dieu. Au-dessus de lui, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment dit, il faut qu'on utilise ce que Dieu a dit. Il n'y a pas un seul passage de la Bible qui dit qu'on peut utiliser le feu comme arme pour combattre. Il n'y en a pas. Ce n'est pas parce que les historiens, les gens disent que, oh, bon, si tu poses la question, dis-moi que le feu les brûle vraiment. Tu vas dire quoi? Parce que la personne dit, aïe, ça brûle. Parce qu'il dit que ça brûle. Bon, le feu de Dieu vient d'où? Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, oui, c'est un feu. C'est un feu. Donc, quand tu reçois le baptême, ça brûle dans toi. Non. Ah, mais je crois que le Saint-Esprit, c'est le feu. Je crois qu'on nous a montré que un feu dévorant. Oui, un feu dévorant. L'Esprit de Dieu, okay. Et le Saint-Esprit. Quand ça dévore, ça se pose que quoi? Parce que ça détruit, non? Donc, ça veut dire que quand tu pries comme ça, ça détruit les démons. Ça les chasse, ils peuvent fuir. Donc, attends, finalement, fuir. Ça brûle, ça détruit pour détruire ou bien ça ne détruit pas? Non, puisqu'on ne peut pas détruire un démon, on va seulement le chasser dans les lieux arides. Oui, donc on les chasse ou on les brûle alors? Oui, le feu va donc faire qu'il fuit. Ah, il fuit avec, pendant qu'il court, ça brûle. Parce que, attends, je veux encore t'expliquer quelque chose. Par exemple, comme nous, on a eu des problèmes de sorcellerie de nos familles et tout. Donc, quand on faisait les prières de combat, même là-bas à Simalais, c'est lui, il n'était pas trop d'accord de ça. Mais moi, je lui disais que non, ça il marche. Faut vraiment qu'on envoie le feu sur leur centrale, là où ils se cachent. Les antennes. Voilà. Que partout où il y a les camps, tu envoies voilà, le feu. Que le feu les brûle, que les disperse, les bon, chasse. Je pose la question. Quand dans l'habitude a dit tout à l'heure là, que tu croyais que le feu, que tu penses que le feu c'est une arme, est-ce qu'il y a un verset biblique pour ça? Bon, allons dans 1 Corinthiens chapitre 6. Au chapitre 4, hein? 1 Corinthiens chapitre 4. Lisons le verset 6 de 1 Corinthiens chapitre 4. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est bon. Lis à partir de là, on a dit afin. Afin que. Afin. Après Apollos. Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Qu'est-ce que la Bible te dit là? Prends, souligne. Souligne afin jusqu'à là au-delà de ce qui est écrit. D'accord? Donc la Bible dit clairement qu'on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, si quelque chose n'est pas écrit, si quelque chose est écrit, je ne traverse pas cette frontière. Quand on dit aller au-delà, ça veut dire que dépasser. On ne doit pas dépasser les Écritures. As-tu déjà vu Jésus ou ses disciples prier avec le feu? C'est quelque part qui est écrit. Bon, où est-ce que nous on soit avec alors? La Hébreu chapitre 10, la Bible déclare que notre Dieu aussi est un feu dévorant. C'est lui qui est un feu dévorant. C'est un renseignement qu'on a donné de lui qu'il est un feu dévorant. Comment on dit comme ça? C'est un Dieu jaloux. C'est un autre. On a désigné ça de lui. Où est-ce qu'on parle du feu du Saint-Esprit alors qui doit brûler les méchants? C'est le baptême du feu dont tu parlais. Bon, maintenant, au contraire, Marc chapitre 16, ouvre. Lisez dans Marc chapitre 16, lisez versets 16 et 17. Celui qui croira et qui sera sauvé. Et qui est baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Par le feu, ils chasseront. Lui, par le feu, c'est ce qu'il dit. Non. Par le feu. Allons-y, par le feu, ils chasseront. Les démons. Pardon? Les démons. Non, c'est par le feu. Regarde bien. C'est écrit quoi? En mon nom. Non. Lui, bien. Au nom de Jésus. Acte des apôtres. Il faut souligner ça. Oui, je souligne. Acte des apôtres au chapitre 16. Lis le verset 16, tu t'arrêtes au verset 18. Verset 16 à 18. À haute voix. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne par au nom de, Dieu. De Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Je pose la question. L'apôtre Paul était-il là lorsque Jésus disait dans Marc 16 que voici ce qu'ils auront cru? Est-ce qu'il était présent? Est-ce que l'apôtre Paul était présent physiquement? Il dit quand Jésus disait à ses disciples quand il était sur la terre, est-ce que l'apôtre Paul, lui, il était là? Comment elle a su que c'est pas le nom de Jésus qu'on a chassé? Tu vois donc qu'on a nous enseigner des doctrines étrangères aujourd'hui, n'est-ce pas? Les doctrines d'espérance. Que Jeff dit comme ça, quand on dit ça dans les églises, on voit comment il y a manifestation. On dit pas le feu de Saint-Esprit que c'est une arme. Il n'y a aucune arme telle. La, l'écriture est derrière nous. On voit les actes des apôtres. Ils sont utilisés nulle part. C'est pas parce que tu vas dire que le feu de Dieu, que le feu du va descendre. Dieu ne te commande pas. Il a donné les écritures et le carnaval. Il y a eu le cas que Paul fatigué dit que je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. Il est sorti à cet instant. À l'heure même. Alors, lorsque Jésus lui chassait, il chassait par quoi? Par le feu. Quand il a dit, Jésus a dit par exemple que le feu te brûle, il l'ordonnait de sortir de lui. D'accord? Donc Jésus nous a dit dans Marc 16 que en mon nom. Il a dit c'est par le nom que ça chasse. C'est par le nom. Donc quand il dit que on dit au nom de Jésus, il dit pour sortir. Donc tu veux dire que le feu de Dieu n'est pas le nom de Jésus. Si c'est plus rapide, parce que tu penses qu'en faisant, en disant, tu crois que le démon a plus peur du feu que du nom de Jésus. Hein, ma soeur, tu penses que le démon a plus peur du feu de Dieu que du nom de Jésus? Non, le nom de Jésus, c'est le nom qui est au niveau au-dessus de tout nom. Donc, c'est l'âme, s'il y a l'atomique, s'il peut avoir une autre chose plus bombe qui peut dépasser l'atomique, mais déjà l'hydrogène et les ragnons. Le nom de Jésus est supérieur à cela. Je veux prendre un autre exemple sur ce cas-là. Maintenant, quand nous étions en cinéma, parce que nous sommes retrouvés justement dans toute cette embrouille-là, oui. Il y avait un petit. Il y avait un petit gars qui venait dans nos prières, oui. Avec la vieille école que nous avons reçue de ces fausses églises-là. Il venait aux prières et il a commencé à manifester, comme s'il était malade, il nécessitait des prières. On a commencé à prier sur lui. Et puis, quand on priait donc sur lui, il manifestait. Tout le monde disait feu. Nous tous allons balancer les canons, bombarder le feu sur lui. Cracher le feu. Oui, oui. Le feu, je vois donc, ça a donc pris un jour, deux jours, trois jours. J'ai commencé à me poser les questions que j'attends. Oui. Le type, si... Il résiste au feu comme ça. Qu'est-ce qu'il... Tu crois, man? Maintenant, je dis donc... Vous êtes combien qui a envoyé le feu? Nombreux, et il a pu résister à votre feu là, et vous avez comme le feu du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que je constate? Je constate donc que le type, si il n'a pas encore confessé Jésus, je dis donc à mes gens, c'est que il faut que le type, si qu'on lui fasse confesser Jésus, qu'il confesse au moins Jésus, même comme je sais aujourd'hui que tout ça c'est. Tu as cherché notre âme encore pour faciliter la tâche. Le type refuse donc de confesser Jésus. Jésus donc convaincu que mais le type, si il n'a pas donné sa vie à Jésus, mais comment nous on va passer notre temps à prier pour lui? J'ai donc dit que non, il faut plus qu'on prie pour lui. Et c'est là où moi j'ai compris que cette histoire est de feu là, ne vraiment. On va voir le feu de Dieu, d'accord? On va lire l'endroit où il y a un endroit où il y a le feu de Dieu. On va voir ce qu'il en est. Allons dans le livre de Job. Le livre de Job. Job. Avant le psaume. dire que quelque chose a marché pour nous par expérience, ça ne veut pas dire qu'on va en faire une doctrine pour tout le monde. Ça, c'est un. Des deux, quand ça commence à être utilisé par tout le monde, et de cette façon-là, il faut s'attendre à ce que ça ne devienne pas de Dieu. Dieu nous a donné ses règles. Il n'y a pas de combat spirituel avec le feu. Il n'y a pas ça. C'est ça qui est arrivé au niveau où on combat maintenant avec l'eau, avec le sel béni. Maintenant, il y a des gens qui ont le sang. Ils achètent le jus de fruits ou bien le vin rouge. Ils mettent dans le truc. Ils prient là-dessus. Ils disent qu'il a pris le feu. Il a chargé ça par le feu. Et il a chargé le sang de Jésus par le feu. Il faut la délivrance au pasteur. L'histoire des gens, vous connaissez au moins pour qu'ils puissent aller rapidement à la maison. Voilà. Je vais raconter l'histoire et puis on va aller directement au passage qui nous concerne. Job reste tranquille. Il y a des réunions au ciel contre lui. Dieu commence à dire, c'est Dieu qui balance la table. Si Dieu n'a pas parlé de Job, il dit, c'est pour moi non. Reste tranquille avec le lézard. Tu veux d'envoyer le feu là-bas, ma soeur. Tu veux d'envoyer le feu. Tu as tellement peu les animaux, tu même le lézard entre. Si le lézard tombe sur toi dans le lit, tu as des dormir, tu vas faire comment? Tu dis, feu, feu. Ce sera la horde des démons qu'on ne voyait pas. Quand il fait chaud, il cherche l'endroit, il fait froid. Quand il fait froid, il cherche l'endroit, il fait chaud. Ne t'inquiète pas. Si on coule là, ça fait une victoire, tu vas crier ici, n'est-ce pas? Tu n'aimes pas les démons. Lui envoie le feu, pendant qu'il rentre. Tu envoies le feu, le jour où il commence à courir. Le lézard, quand tu as couru, tu envoies le feu, ça ne brûle pas. Alors donc, la discussion a lieu dans le ciel par rapport à Job. Et une fois de plus, c'est Dieu qui attaque Satan. N'est-ce pas, frère? Si, pendant que tu te promènes sur la terre, as-tu vu mon serviteur Job? C'est Dieu qui a fait état de Job. S'il demandait que tu te promènes dans quel pays, il dit, oh, je suis allé au Cameroun, aller en Afghanistan, et puis je suis remonté. Il va dire, ah, il continue un truc. Mais Dieu cite le cas de Job. Parce qu'il connaissait exactement ce que les intentions. Satan est allé l'attaquer, il n'a pas pu. Dieu lui dit, tu as vu mon serviteur? Dieu lui dit, ah, laisse-moi l'histoire. C'est parce qu'il l'a protégé, non? Dieu l'a protégé contre qui? Contre Satan. Maintenant, il va parler maintenant que permets-moi de le toucher et qu'il va te maudire en face. Allons là, on va commencer à le prêter. On y va. Verset 10 du chapitre 1. Je vais lire. Job chapitre 1, à partir du verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr, tu vois Satan, qu'il te maudit en face. Remarque très attentivement que Satan dit ici que Dieu étend sa main pour toucher. Mais ce n'est pas Dieu qui va étendre sa main pour toucher. Étend sa main pour toucher veut dire que permets-moi de le toucher. Tu vois cela, n'est-ce pas? Parce que Dieu n'ira jamais attaquer Job. Mais il va en aller jamais, il va dire ok, vas-y. Voilà. C'est aussi Dieu retire sa protection et Satan va toucher. On dit que Dieu a étendu sa main pour le faire frapper. Ouais, le langage de Dieu, n'est-ce pas? Ok. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Je veux qu'on regarde le verset 11 et le verset 12 pour comprendre le langage. Ce sont ces choses que j'essaie de voir dans la Bible, j'essaie d'expliquer aux gens que comprenez le langage de Dieu. Remarque le verset 11, Satan dit, mais étends ta main. Satan ne dit pas que permets-moi de le toucher. Il ne dit pas que permets-moi qu'il le frappe. Il dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis celui qui te maudit en face. Dieu ne dit pas que, ok, je vais le faire. Dieu dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui est, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Donc tu vois que verset 11, verset 12, si on ne comprend pas le langage de Dieu, ça n'a pas de sens. Parce que Satan a dit, étends ta main. Il dit, ok, voici, je te le livre. Donc ils se comprennent entre eux. Donc ils comprennent quand Satan dit que étends ta main, ça veut dire que permets-moi de le toucher. Et quand Dieu permet, ça se passe que Dieu a étendu la main. C'est pour ça que je ne veux pas dire que je suis resté tranquille, il m'a porté, il m'a secoué. Dieu dit Satan, il s'adresse à Dieu. Maintenant, verset 13. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères aînés. Prenez le bic, parce que vous allez souligner quelque part maintenant. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin te dit, 1, 2, 3, le feu de Dieu est tombé du ciel. Je vous souligne cette expression. Je me souligne. Alors on va voir dans cela. Ok, maintenant je vais lire. Il parlait encore lorsque lorsqu'un autre vin te dit le feu de Dieu est tombé du ciel, virgule, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vin te dit, les cadres ainsi de suite, arrêtons là-bas, regardez-moi en face, on ne nous parle. Il veut que tu me dises où le feu est sorti, où brûler du ciel. On appelle ça le feu de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé le feu. C'est Dieu qui a envoyé le feu. Donc ça, c'est alors le feu que le diable a envoyé pour faire, pour détruire les biens de Dieu. Bon. Je te pose la question. C'est écrit quoi là-bas? Le feu de Dieu. Bon. Et donc, ça veut dire que Dieu a envoyé le feu pour détruire les choses de Job? Non. Bon, dans ce cas, pas Dieu. Qui a envoyé? C'est Satan qui a utilisé le feu. Pour je pose une question. Tu peux donc dire que le feu que tu utilises, c'est pour Dieu ou c'est pour Satan? Mais on a écrit, est-ce qu'on a écrit, toi, tu viens de me dire que c'est Satan qui a envoyé. Mais est-ce qu'on a dit le feu de Satan est tombé du ciel? On a dit le feu de qui? De Dieu. Parce que si on, le pasteur vous dit qu'on envoie le feu de Satan sur eux, toi-même, tu n'as pas prié comme ça. Nous sommes d'accord, non? Mais celui-ci, quand il court, parce que le premier est d'abord venu, il dit que tes enfants étaient à manger là-bas, les serviteurs étaient là-bas, les sabbés ont passé au fil de depuis tous tes serviteurs et ont moi, je ne sais pas, à chaque fois, c'est parler. Par exemple, je viens d'écouter l'autre, avec on était là-bas, le feu de Dieu descendait du ciel. Il sait qu'au ciel, il y a Dieu. Si ça sort de là-bas, ce n'est pas un feu naturel. Parce que c'est nous qui avons le feu sur la terre, ça sort du haut. C'est ça vient de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Il y a une autre cohorte qu'on appelle Satan là-bas, parce qu'ils ne connaissent pas le combat. Ils n'ont pas le livre aussi. Et par conséquent, si ça sort d'en haut, c'est Dieu. C'est pas parce qu'il a dit c'est le feu de Dieu que ça veut dire c'est le feu de Dieu. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas Satan. Ils ne connaissent pas l'histoire des démons. Ils ne connaissent pas. Mais nous, en disant, on comprend qu'au-dessus du ciel, de notre ciel, ce que nous voyons, c'est, nous voyons qu'il y a des cohortes démoniaques là-bas, des entités spirituelles qui en veulent aux hommes. Quand Satan est venu se promener sur la terre, quelqu'un était sur la terre, parmi eux qui savait que Satan était même là. Il dit quand Satan est venu rentrer sur la terre, il rentrer au ciel pour aller se promener pour rendre le corps rendu là. Personne parmi eux, même Job lui-même savait que Satan était venu vers lui. Donc pendant qu'il faisait était, il se promenait dans sa course, Satan était là, il guette comme ça, le type s'il veut te montrer. Il fait, comment vous pouvez te tuer comme ça, n'est-ce pas? Il rentre au ciel, le compte est sur lui. Il ne connaît pas qu'il y avait une entité à côté de lui. N'est-ce pas? Alors donc quand ils ne connaissent pas ces choses, ces gens, lui ne connaissait pas qu'il y avait un Satan au ciel. Il ne connaissait pas. Puisque depuis là, il dit que je ne sais pas ce qu'il a fait. C'est que c'est, si quelqu'un de nous, je sais que c'est Dieu forcément. Mm-hmm. N'est-ce pas ma soeur? Alors le feu de Dieu, si c'est le feu de Dieu. Et ma soeur? Non. Bon, non. Un roi. Dieu te bénisse encore. Donc si ça veut sortir, tu fais cracher le feu. Dis que je ne suis pas un dragon, je ne suis pas un dragon. Un roi. Chapitre 16. Il y a quel chapitre déjà? 16. Chapitre 16. T'as bien fait cela. Chérie. Que le Seigneur de Dieu brûle en moi. Brûle dans ma tête, dans mon corps. Et quand vous faites, vous pensez que c'est la maladie dans ma tête, que ça brûle ça, n'est-ce pas? Mm-hmm. Mais tu dis que dans mon corps, si tu n'es pas dans la maladie, déjà, que ça va brûler dans ta tête. Ce que tu peux te rendre bête. Dans moi, il va brûler en moi, brûler en moi. Le piano t'entraîne, le bas t'entraîne. Brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi. Tu t'es plus vers ton frère, on a dit, tu n'as pas expérience ailleurs. Ouais, ma soeur. Qui a chanté ça? Qui a chanté ça? C'est un agent de voilà une seule question. Non, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Tu parles. Non, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Bon, permettez-moi de trouver donc. Et tu vois, à cette chanson-là, si c'est bon alors. Ouvrons d'abord, avant de revenir à ce livre de 1 roi, ouvrons le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 3. Donc, on parle Matthieu chapitre 3, puis Actes chapitre 2. Je connais même Jésus, le passage où les disciples vont demander au Seigneur. Dans le livre des gens, c'est ce que je veux dire quand on voit le faux, on va lire. Matthieu. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 3, pardon. Matthieu, chapitre 3. Lis à partir du verset 1, ma soeur, doucement. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et du miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Arrêtons là-bas. Qu'est-ce que tu en dis? Que Jésus va baptiser, que celui qui viendra, Jésus, oui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Ok. Bon, je pose la question. Note Marc chapitre 9, verset 48. On va aussi aller là-bas. Je pose la question. Il dit clairement que celui qui vient après lui va faire quoi? Et de feu. Je veux que tu me montres quelqu'un sur la terre ou bien dans la Bible qui a jamais été baptisé du Saint-Esprit et du feu. Qui a été baptisé? Du Saint-Esprit et du feu. Dans la Bible ou bien même hors de la Bible. Le livre que tu as. Ok. Allons-y donc. C'est la Acte chapitre 8. Tu veux nous montrer, il faut que tu nous montres là où il a été baptisé du Saint-Esprit et du feu. Tu pourras montrer. Non, je sais qu'il a été baptisé. Au nom de Jésus. Oui, ça c'est au nom de Jésus. Mais Jean-Baptiste a dit là-bas que quand celui qui vient après lui, il va baptiser du Saint-Esprit et du feu. Il veut que tu montres quelqu'un qui va être baptisé du Saint-Esprit et du feu, comme la Bible dit là. Donc peut-être quand le peuple, quand Pierre les a, quand Pierre a dit que, ok, avez-vous reçu le Saint-Esprit, tout ça, on a dit que maintenant, on vous baptise du Saint-Esprit. Après, il y a eu le feu comment? Dans Actes chapitre 1, il y a eu le feu. Je ne peux les rendre compte. Les langues de feu se posaient. Note dans Actes chapitre 2. Je vous attends, je me pose la question pour vous pousser au bout, pour vous allez par là-bas. Note Actes chapitre 2. Note Luc chapitre 9, verset 54. Luc. Chapitre 9, verset 54. Note 2 rois 1, verset 12. Voilà. Donc on va explorer cela. Je recommence encore. Nous avons, elle a lu la Matthieu chapitre 3, n'est-ce pas? Et là, Jean-Baptiste, le prophète, dit clairement que celui qui vient après lui, il n'est pas digne de lui dire la couleur de ses souliers. Alors lui, il dit que lui, il est baptisé seulement d'eau. Mais la personne qui vient, il parlait là du Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus baptise du Saint-Esprit et du feu. La question c'est, j'ai dit, pose la question, est-ce qu'il y a un endroit dans la Bible ou bien hors de la Bible où un disciple a-t-il été déjà baptisé du Saint-Esprit et du feu? Vous avez vu dans la Bible, vous êtes baptisé. Pour voir donc le premier accomplissement, il faut qu'on voit là où le premier baptême du Saint-Esprit est venu. D'accord? Et réponds voir, mon frère. Dans les enseignements que nous avons reçus. Donc ça veut dire que c'est dans les enseignements qu'on vous a dit dans les dénominations. Non, on a dit que ici, là, c'est en grec, Indiadis, la forme Indiadis, qui veut dire que Saint-Esprit et feu, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une emphase. C'est un peu comme quand je peux dire. C'est un peu comme. J'ai pas entendu la théorie là, explique-nous ça. Oui. Que India dit, c'est-à-dire que c'est une emphase. C'est une emphase. Oui. Donc, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Oui. Le Saint-Esprit et le feu. Oui. Sur cette phrase, veut dire en fait la même chose. Sur quelle base on dit que cette phrase-là, ce ne veut dire la même chose? Ils disent que c'est une forme De la rhétorique grecque. Grec, oui. Un exemple de ces chats de rhétorique où on dit la même chose dans une même phrase en disant. Dans la Bible. Oui. Dans la Bible, un exemple. Dans ce cas, pourquoi on peut dire donc que Jésus, notre Père, Dieu, Dieu est Sauveur, Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit Dieu le Père et du Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi là, ils disent que c'est deux personnes différentes? Pourquoi là, ils ne voient pas que Dieu dont on parle, c'est le Sauveur Jésus-Christ? Non. Effectivement, parce que ceux-là, effectivement, ça c'est la voie internationale. Non, je sais, c'est la voie, ils refusent justement que Jésus-Christ est Dieu. Ils refusent que Jésus-Christ est voilà. Dieu. Voilà, c'est ça, c'est d'où est sorti beaucoup de prédicateurs sur Internet qui parlent de Jésus et en même temps, n'est pas Père, n'est pas ceci, Jésus n'est pas Dieu. Mm-hmm. Parce que c'est quand tu es infesté, quand tu sors de ce milieu-là, tu hérites de cela. Mm-hmm. Voilà. Maintenant, nous savons que Jésus-Christ est Dieu. Oui. Ok. Tu poses la question. Jean-Baptiste a-t-il fait l'amalgame, a-t-il utilisé le grec pour savoir s'il y a des formes de phrase? Jean-Baptiste parlait-il grec? Non. Regarde-moi encore dans les yeux. Tu dis qu'à l'école biblique, on te dit que c'est quoi? Enfer, c'est quoi? India 10. C'est-à-dire qu'en grec. En grec, tu veux dire la même chose. Je pour exprimer la même chose. Je pose la question. Jean-Baptiste parlait-il le grec? Non. Donc ça veut dire que si c'est le grec, ça veut dire la même chose. Ça se pense que si on lit ça en hébreu, ça ne veut pas dire la même chose. Voilà. Alors, on revient donc. Tu vois, en fait, c'est parce qu'ils sont arrivés à l'analyse pour comprendre effectivement que quelque chose ne va pas justement dans cette phrase-là. En réalité, quelque chose ne va pas dans cette phrase-là. Mais la compréhension de la chose qui ne va pas ne vient pas par l'étude des Grecs. Parce que c'est pas en grec qu'on a prêché. Jean-Baptiste n'a jamais parlé le grec. C'est pas en grec qu'on a prêché. Alors maintenant, il faut donc savoir de quoi il est question. Mais pour répondre à cette question, voyons donc les disciples étaient baptisés. Actes apôtres chapitre 2. Souvenons-nous de ce qu'on a vu dans le livre de Job, chapitre 1. On a lu feu de Dieu, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ouais. Ces choses-ci, il faut qu'on aille de façon superficielle. Il faut qu'on aille dans la Bible, on voit partout où ça se trouve comme ça. Mm-hmm. Allons, c'est parti, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit lui a donné de s'exprimer. Amen. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme argument ici avec Matthieu chapitre 3? Essayez de vous déployer, voir. Déployez-vous au mieux de votre connaissance et de votre capacité spirituelle détective. Ici, là, c'est comme si c'est le baptême du okay. Saint-Esprit de feu. Ok, c'est très bon. Alors, c'est que veut dire le mot baptême? Bon, comment on dit plonger? On disait baptiser, c'est plonger dans. Là, l'immergé. Le feu, là, ils sont dans le feu, mais le feu est sur leur tête. Le feu est venu en eux. Regardons encore. Des langues. Langue comme des langues veut se poser sur. Leur apparu séparé les unes des autres. Et vous se poser sur. Vous ne pouvez pas faire dire ce que la Bible ne dit pas. Parce que ce que Jean lui l'a dit, il est question du baptême. Et baptiser veut dire plonger. Donc tout le corps doit être plongé. Si tu acceptes qu'ici c'est le baptême de feu, alors tu dois accepter le baptême catholique. Parce que le baptême catholique, ça consiste aussi à verser de l'eau sur la tête. C'est pas le baptême, ça, c'est pas le baptême. Ceci n'a rien à voir avec ce que Jean-Baptiste disait. Ici, le renseignement que la Bible nous donne, c'est le feu est apparu sous la forme de langue, l'organe langue. Donc, ça va être la forme. Donc, quand le Saint-Esprit, quand Luc a envie de voir cela, pour donner le compte rendu de ce qui s'est passé dans la chambre haute, il voit des langues. Donc, le feu en forme de langue, sur les têtes de chaque personne, comme ça. Et quand ce feu-là est venu sur eux, quand ça fait toucher le corps, ils ont commencé à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mm-hmm. C'est ce qui est écrit. On n'a pas parlé du baptême du feu. N'est-ce pas, ma soeur? Donc, qu'est-ce que Jean-Baptiste disait alors? Voilà le feu dont là, qu'il a dit. Non, moi, là maintenant, alors, je ne comprends pas. Jésus n'a pas alors baptisé quelqu'un de. Mais c'est lui qui a été baptisé. C'est lui qui a été baptisé dans la Acte des Apôtres là. Parce qu'au chapitre 1. Regarde au chapitre 1, verset 8. Mm-hmm. Verset 4, verset 5 d'abord. Dis verset 4, verset 5. 4. Comme mm-hmm. il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Mm-hmm. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Mm-hmm. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, serez baptisés du Saint-Esprit. Tu as vu? Donc c'est ça qui accomplissait là-bas comme ça. Ils ont attendu 10 jours, ils ont attendu que ça vient. Et c'est Pentecôte. La Pentecôte. Tu as vu? Alors non, voilà Jésus qui est monté parce qu'il avait dit, si il vous a avantagé que je m'en vais, car si je m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est pas ça, ma soeur. Donc alors, nous, le problème qui nous touche ici, c'est le problème du feu. Mm-hmm. Nous ne perdons pas de feu. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Et Jean-Baptiste a dit que vous serez baptisé du feu. Et du feu. Alors, ce que Jean-Baptiste est en train de dire, c'est qu'il va envoyer en enfer. Hein? Oui, c'est ça dont il est en train de dire. Que Jésus va envoyer en enfer. Comment tu es surpris? Tu es surpris. Attends, frère. Je veux aussi comprendre. Tu veux aussi comprendre, frère? Rentrons dans Matthieu chapitre 3. Oui, oui. On rentre dans Matthieu chapitre 3. Rentrons dans Matthieu chapitre 3. Pour que je complète. Mm-hmm. Pour que je comprenne que le feu là signifie envoyer en enfer. Non, mais t'inquiète pas, c'est moi qui vais venir pour vous surveiller, d'accord? Mm-hmm. Matthieu chapitre 3. Que Dieu vous bénisse. Mm-hmm. Je vais lire à partir du verset 5. Mm-hmm. Sur Bamba également, il y a encore un enseignement expliquant ça directement. Donc, c'est pleinement expliqué là. Je vais seulement glisser dessus. Mm-hmm. Maintenant, regardez. Verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée. Bon, ce qu'on va faire, voici ce qu'on va faire. Je vais lire dans Matthieu. On va aller lire cette même explication dans le livre de Marc et dans le livre de Luc et dans le livre de Jean, d'accord? Mm-hmm. On va lire ça dans le livre de cela. Vous allez voir une différence. Mm-hmm. On y va. Oui. Voilà. Maintenant, regardons. La Bible déclare verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mm-hmm. Vous avez vu? Mm-hmm. Donc les gens vont, ils font exactement ce que la Bible déclare, l'acte de repentance pour se faire baptiser. Oui. Maintenant, regarde, quelque chose va se passer au verset 7. Le premier mot du verset 7, c'est quoi? Mais. En tout ça, il y a une explication. J'arrive là dedans. Mais. En tout, mais. Courage, d'accord, ma soeur? La Bible dit donc, mais, voyant venir à lui à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, tu as vu, il leur dit. Donc, il y a deux catégories. deux groupes de personnes qui se trouvaient devant lui. Voilà. Donc, les gens venaient chaque fois se confesser le péché. Parce que les catégories de pharisiens et sadducéens étaient différentes, d'après le Seigneur. D'accord? Il leur dit, un, suivez ma soeur, il leur dit, race de vipères, comment? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Alors maintenant, pourquoi ils les appellent race de vipères? Race de vipères, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fils de la race qui, de vipères. Et par conséquent, leur père, c'est qui? Satan. C'est Satan. Mais il venait assister au baptême. Maintenant, regardons aussi. Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ce verset, c'est le 2 que nous avons lu, montre clairement que les pharisiens, les sadducéens qui étaient de la race de serpent venaient se faire baptiser. Beaucoup venaient se faire baptiser aussi. Jean-Baptiste a dit que c'est le fruit qui va produire. C'est pas que l'acte, c'est l'acte des obéissants, mais il faut le fruit. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Il dit d'abord un qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc ils essayaient par leur force de venir obéir au commandement. Jean-Baptiste dit mais ça ne se passe pas comme ça là. Vous devez montrer que quelque chose s'est passé. Ils pensaient qu'en venant se baptiser, ça va régler le problème. Et regardons ici. Dans le livre de Luc chapitre 7, verset 30. Dans Luc chapitre 7, verset 30, la Bible déclare que les pharisiens et les sadducéens, ne se faisant pas baptiser du baptême des gens, ont rendu nul et fait l'obligation de Dieu dans leur vie. Mais la Bible nous enseigne ici que c'est beaucoup d'entre eux. Il dit, mes voyants venaient à son baptême, beaucoup des pharisiens et des sadducéens. Il leur dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc, qui vous a enseigné qu'il y a quelque chose de danger qui est devant? Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Alors, maintenant, les pharisiens et les sadducéens sont deux groupes qui vont combattre Jésus-Christ de son ministère. Pour eux, ils sont rigides à la loi de Dieu, et des traditions des pères. Et là, ils sont là, ils observent Jean-Baptiste, ils viennent à son baptême, ils assistent au baptême. Jean-Baptiste dit que ne pensez pas que vous êtes là comme ça là. Si vous dites que, oh, je suis pharisien, oui, je suis la loi des pères, ça va vous faire quelque chose. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Alors, c'est le fruit d'après repentance qui va montrer de quelle sémence tu es. Regardons verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de cette pièce-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Regarde, nous trouvons verset 9. Il dit que pendant que l'année prêchait le baptême de la repentance, quand le peuple sortit de partout pour venir baptiser les pharisiens, comme ils sont vraiment à haut, ils sont derrière. Je ne peux pas dire telle chose aussi. Moi, je suis fils d'Abraham. Je ne peux pas faire de ces bêtises comme ça. Il dit, ne dites pas à vous que vous êtes enfant d'Abraham. Parce que de cette prière-ci, Dieu peut susciter d'enfants d'Abraham. Puis Naïf, il dit, souvenons-nous qu'il y a des groupes qui sont sortis partout pour les faire baptiser. Et ils confessaient le péché. Déjà la cognée, la hache, est mise à la racine des arbres. Tout arbre. Il a déparé quoi ici, en parlant de l'arbre? De l'homme. L'homme, n'est-ce pas? Tout arbre, nous sommes au verset 10 là. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous avez vu là où l'arbre sera jeté? Au feu. Vous avez vu? Ok, regardez très attentivement encore. Une fois de plus. Quand l'arbre ne produit pas dans le champ, on coupe. On le laisse sécher pour vendre où? Au feu. L'arbre qui produit, on ne le coupe pas. Pour que ça continue à produire des fruits pour être rentable. N'est-ce pas? Regardons encore. L'arbre quand il est coupé, il est jeté où? Au feu. Et c'est un mauvais arbre. Donc il y a deux styles d'arbres ici. Un arbre qui produit des fruits, qui n'est pas coupé, mais jeté au feu. Un arbre qui sera coupé, jeté au feu. Après, c'est le même syllogisme, un peu le même exemple qu'elle va encore prendre dans notre langage. Regarde. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Voici la manière pour entrer dans la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux pharisiens. Non. Il y a deux groupes devant lui. Il y a le peuple. Dans le peuple, il y a deux catégories. Il y a la catégorie. Parmi eux les pharisiens, parmi eux ceux qui viennent à la repentance. Après la repentance, vient normalement le scellement du Saint-Esprit. Alors il a dit qu'il vous baptisera le Saint-Esprit. C'est la même personne qui baptise le Saint-Esprit. C'est la même personne qui envoie à l'enfer. Regardez bien. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Regardez encore verset 12. Verset 12, il explique maintenant bien. Il a son van à la main pour pouvoir vanner. Il nettoiera son air. Vu qu'on nettoie l'air. Il amassera son blé dans le grenier. Virgule, ça c'est le baptême du Saint-Esprit pour amener à la maison. Mais il brûlera la même personne. Voilà ce qu'il y a devant. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Jean-Baptiste a expliqué ce qu'il a dit pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Amen. Ma soeur dit Amen pour le bébé, le gars qui est en haut là-bas. Puis ceci est différent de tout ce que nous a raconté, que esthésie, c'est en grec, ça veut dire ceci. Il faut seulement que j'assimile ça, oui. Que je... Parce que moi, même quand, avant de dormir la nuit, oui. Je disais que j'entoure ma maison du feu, pour que aucun démon, aucun mauvais esprit ne vienne nous déranger pendant le sommeil. Notre proverbe, chapitre 3, verset 20 à 26, pas. Tu en casse parce qu'on va maintenant, je vais seulement savoir que. Proverbe chapitre 3, verset 20 à 26. En tout ça, regarde bien ce que la Bible déclare. Le feu de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et ne laisse pas au danger, c'est ça hein? C'est ce qui est dans les psaumes. Non. C'est écrit quoi? L'ange. Ok. Donc, si l'ange est là, l'ennemi ne passe pas. N'est-ce pas? Hein? C'est toi qui l'invoques ou qui vient là-bas. Hein? On a dit quoi? Ton rôle, c'est de craindre Dieu. On dit, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Allons-y dans le livre des Marc. Marc 9. Non, Marc 1. On va voir qu'il y a quelque chose. Vous allez voir que la Bible ne peut pas se tromper. On voit chapitre 1. Disons à partir du verset 4. Je vais encore lire. Okay. Et vous allez remarquer quelque chose. Et là, je vais voir si vous avez parvenu à remarquer quelque chose. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays des Judées et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Nous sommes d'accord? Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. Verset 7, il prêchait disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier en me baissant la couronne de ses souliers. Verset 8, lis-nous ça ma soeur. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Stop, je vais quand même m'expliquer quelle est la différence entre ça et Matthieu 3. C'est clair que la différence est... Ici, comme il est question de deux genres de personnes, oui. Qui en réalité dans Matthieu chapitre 3, nous voyons bien les pharisiens et les sadducéens, plus les gens du peuple. Oui. Et donc la parole de Jean s'adressait à ces groupes de personnes, oui. Et spécifiant distinctement tel type de baptême que devrait recevoir chaque personne. Oui. Alors qu'ici, lorsque nous ne voyons que la seule expression qui est le Saint-Esprit, oui. Nous comprenons très bien que bon, c'est vrai que il faut peut-être relire, mais je comprends à partir du verset 8 ici que oui. Ça s'adresse à une classe de personnes qui ne sont pas d'une autre semence. Absolument. Maintenant, et ça, tu as raison. Et c'est ce que les prédicateurs, les grands docteurs devaient remarquer. Voilà un grand docteur devant vous. Alors. Tu as vu ça, madame? Regarde, ton mari est un grand docteur. Remarque bien, dans Matthieu, on a dit clairement qu'il y avait un groupe de personnes qui venaient partout se baptiser. Puis il y a les pharisiens. Ayant vu les pharisiens des races de vipères. Oui. Ici, on ne fait pas compte de eux. Et ici, Jean s'adresse spécifiquement à ceux qu'il a baptisés. Regarde verset 7. Il prêchait disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la couronne de ses souliers. Regarde verset 8. Moi, je vous ai baptisé. D'eau. Tu as vu? D'eau, il s'adresse à ceux à qui il a baptisé. Il dit ce qui vous concerne sur le Saint-Esprit, c'est lui qui s'en chargera. Tu as vu ça? Or, quand les pharisiens sont là, il dit qu'il y a un groupe pour le baptême du Saint-Esprit, un autre groupe, vous, c'est le feu. Alors, on enlève des gens. La parole avait nous commencé de l'autre côté par mais. Mais. Vous avez entendu, non? Mais voyant venir à lui le gens, il a parlé le langage là. Ils nous ont appris que mais annonce à quoi? Un changement. Une opposition. Une opposition. On avance. Allons dans le livre des gens cette fois-ci. Parce que lui qui n'avait pas été à Jean. Jean, chapitre. Chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 19. On lit doucement, d'accord? Regardons encore le témoignage ici. Verset 19. Voici le témoignage des gens lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie ?» Et il dit, « Je ne le suis point. » Remarque encore une fois de plus, on dit qu'il est Élie, il ne le suit, il n'est pas. Alors que Jésus va dire que c'est lui, il était l'Élie qui était venu. La Bible ici, là, bon, tu vois, ce n'est pas le moment. « Es-tu le prophète ?» Et il dit, et il répondit, « Non. » Il lui dit alors, « Qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Oui. Que dis-tu de toi-même ? Alors, ok, toi, ton spécifique, ton ministère, c'est quoi ? Moi, dit-il, verset 23, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Vous y êtes ? Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au, moi je baptise d'eau. Quand il baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. On dit, ces choses se passaient à Béthanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a. C'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu pour baptiser, venu baptiser d'eau. Jean rendit ses témoignages. Deux points. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire donc au-delà de cela? Le même Jean a donné deux discours. Donc, lui, son rôle, c'est baptisé d'eau. Le Saint-Esprit, c'est juste qu'il se baptise. Or, ceux-ci viennent nous poser la question par rapport à Jérusalem. Il part pour aller faire. Mais ceux qui viennent assister au baptême, quand vous êtes deux groupes, ils donnent le feu pour l'un, ils donnent l'autre pour l'autre. N'est-ce pas, ma soeur? Mm-hmm. Voilà, on va avancer. Il y a Luc, il y a Marc, chapitre 9, là-bas, verset 49, 48, qui est dit aujourd'hui. Mm-hmm. N'est-ce pas, frère? Lisez. Allons-y. Où? Luc, chapitre, Marc, chapitre, je tenais Marc, chapitre 9, verset 48, là, aujourd'hui. Oui. Allons-y, alors. De là où je suis. Où? Lève vers le meilleur point. Non, il dit verset 46 et 48. 46 et 47 et 48, si c'est comme ça. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la gêne. Mm-hmm. Où leur ver ne meurt point. Continue. Et où leur feu ne s'éteint point. Oui, tout homme. Car tout homme sera salé de feu. Qu'est-ce qu'il écrit ce verset combien? 49. Oui, 49. Donc, le verset là dit quoi? Que tout homme sera salé de feu. Il veut vous m'expliquer ce que Jésus ne le dit pas. Tout homme sera salé de feu. Salé, ça vient de quoi? De quel mot? Le sel. Le sel, le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour, le sel, c'est pour donner la saveur. Mm-hmm. C'est-à-dire, oui, donner du goût. Mm-hmm. Tout homme sera donc salé de feu. Mm-hmm. Je pense que quand je réfléchis, mais quand je médite, ici, on a un problème du terme tout déjà. Mmh. Comme on parle du baptême du Saint-Esprit dans ce passage. Mmh. Pourquoi est revenu? Mmh. Continuons. Tu avais des baptêmes? Non. Et on a un problème de tout ici. Mm-hmm. Car tout homme sera salé de feu. Mm-hmm. Quelques yeux peuvent entendre par ici. Tout homme sera salé de feu. Pour moi, il s'agit d'une classe de personnes qui sont réservées Le sel est une bonne chose. Mm-hmm. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi la saveur? Donc le tout ici là concerne une classe de personnes. Non, laissons, allons sur salé. On dit, il a dit tout homme sera salé du feu. C'est salé du feu. Qu'est-ce qu'il a dit par salé du feu? Bon, c'est dans notre enseignement. Revenons dans le livre de Luc là, on voit quelque chose là. Luc chapitre 3. Luc 3. Luc 3. Donc, vous pouvez noter le verset 1 jusqu'au verset 18, d'accord? Mais on va lire à partir du verset 15. Luc chapitre 3, verset 1 au verset 18. 1 à 18. Mais on va lire, je vais lire à partir du verset 15, d'accord? Comme c'est long. Maintenant, comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne se tient point. » Tu as vu? De verset 15, verset 7, 18, que, ce que j'ai lu, on voit effectivement qu'il utilise le baptême du Saint-Esprit et du feu. Mais si on remonte plus haut, on va remarquer très gentiment à partir du verset 7 encore. Regarde. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, verset 7, qui est race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère, à produire donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. Déjà la cognée, mais ainsi de suite, ainsi de suite. Suite. Oui, effectivement, quand on avance au verset 13, il va commencer, oh non, verset 12, il vint aussi des publicains pour être baptisés. Et il lui dit, maître, que devons-nous faire? Il lui répondit, n'exigez rien au-delà de ce que vous êtes ordonné. Des soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il lui répondit, ne commandez ni extorsion ni fraude envers personne. On dit, comme le peuple était dans l'attente, pour voir, on dit des publicains. Je crois qu'il y a un téléphone qui sonne là. Oui, ça c'est le travail. Téléphone de bureau. C'est-à-dire que la machine est grillée, que vous venez.